couloirs se sont estompés depuis longtemps. Mais sur la photo, tu étais toujours là. Ta veste accrochée au crochet, ton nom dans la vitre, et je me demande en silence où est ton sourire. Mon billet de train dans mon manteau, nos notes dans le livre de recettes écrites à la hâte. Et j'ai mis la table comme tu le faisais. J'ai laissé la chaise dans le coin comme si tu allais arriver. Es-tu assis maintenant au bord d'une lumière, comptant nos histoires jusqu'à ce que tu me rejoignes. Je resterai ici avec tout ton courage, porte-le comme une